19-34, activation orale, plaire, passé composé. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. Ah. Tu as rencontré le nouvel ami de Mireille? Et vous dites... Oui, et il m'a beaucoup plu. Allons-y. Deux. Tu as rencontré la cousine de Mireille? Oui, et elle m'a beaucoup plu. Trois. Tu as rencontré ses parents? Oui, et ils m'ont beaucoup plu. Quatre. Tu as vu ses sœurs? Oui, elles m'ont beaucoup plu. Cinq. Tu as vu son oncle? Oui, il m'a beaucoup plu. Six. Tu as rencontré ses cousines? Oui, elles m'ont beaucoup plu.